France Musique. Merci Elsa Boublil, très bon dimanche et à dimanche prochain, 9h sur France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, venez. Laurent Vallière, 42e rue. Bonjour à tous et bonne année. C'est une journée un peu particulière dans le monde de la comédie musicale en France. Certes, Jean-Luc Choplin, directeur depuis 2004 du Théâtre du Châtelet, qui quitte ses fonctions prochainement et dont la dernière production, 42nd Street, s'achève tout à l'heure à 15h. Certes, Jean-Luc Choplin passe son temps depuis quelques mois à rappeler qu'il en a marre qu'on le résume à 16h d'un Broadway sur scène au Châtelet. Certes, comme il aime à le rappeler à longueur d'interview et pas plus tard que vendredi, lorsque France Musique lui a consacré une journée entière. Certes, il a au Châtelet proposé 74 productions, dont une vingtaine de comédies musicales. Mais il est juste aussi de dire qu'il a fait découvrir au public français la comédie musicale américaine en langue originale et que son travail en cette matière a été couronné à la fois par le public, la critique et salué jusqu'à Broadway et à Londres. Bonjour Jean-Luc Choplin. Bonjour Laurent, merci de m'accueillir, c'est très gentil. Surtout alors, à 42e rue. Mais oui, si vous voulez bien, aujourd'hui on va parler que de comédie musicale, ça vous gêne pas? Au contraire, c'est mon bonheur, c'est un grand plaisir. Pourquoi depuis plusieurs semaines, vous n'arrêtez pas de dire, mais on l'a entendu, on a eu la preuve hein, vendredi, vous étiez chez Émilie Munera et Rodolphe Bruno Boulmy, on a entendu vos goûts musicaux de musique classique, on vous a entendu avec Saskia Deville, avec Alex Dutille, mais pourquoi vouloir à tout prix dire, ne me résumez pas à la comédie musicale? Parce que c'est simplement la vérité et qu'il y a tout un pan de mon travail qui est un peu ignoré, si vous voulez, en général, parce qu'on aime bien faire des catégories, on aime bien enfermer les gens dans quelque chose. Alors c'est vrai que la comédie musicale, d'abord, c'est ma passion, mais c'est en même temps quelque chose qui a réuni un très très large public et aussi, comme vous l'avez très bien dit, qui a fait l'unanimité de la critique. Mais ça, c'était une des facettes du Châtelet. C'est la facette d'un Châtelet qui s'adresse à tous, qui est plus populaire, plus large public. Enfin, un Châtelet qui se veut grand spectacle, féerie, grande féerie. Oui, c'est sûrement le mot que je pourrais employer. Et puis, il y a l'autre Châtelet, qui est le Châtelet, qui est plus sophistiqué, qui est plus en recherche, qui est plus dans la création, qui est plus dans l'invention, qui est plus relié à la mondialisation, c'est-à-dire à ce monde qui est en train de naître, où il y a un dialogue possible, en tout cas est souhaitable, entre les cultures, il y a ces aventures artistiques entre les continents. Donc il y a le Châtelet de du bonheur, de la légèreté, et puis il y a le Châtelet de la modernité, de l'invention, de la création. Donc voilà, mais je ne renie pas du tout, il faut deux jambes pour marcher. Alors je ne voudrais pas être unijambiste, c'est tout simplement la raison. Et puis parfois vous avez mis de la modernité dans vos productions de comédie musicale américaine. Ce matin, on va non pas faire un bilan de votre travail pendant 12 ans, mais on va essayer de comprendre comment vous avez procédé. Finalement, on va essayer tenter un peu de percer le mystère de la création chez vous, même si vous vous dépeignez au Monde dans une interview cette semaine, un très beau portrait de Laurent Carpentier, comme un simple portier qui vérifie que les portes restent ouvertes pour les artistes. C'est joli en tout cas. Jean-Luc Choplin au Châtelet, on se le rappelle, ce fut la découverte en France de Stephen Sondheim, la Mélodie du bonheur, My Fair Lady, un Américain à Paris, Chantons sous la pluie, et puis, ce qui va fermer votre saison et vos 10 ans au Châtelet, eh bien, 42nd Street, dont la dernière représentation aura lieu tout à l'heure à 15h. In the heart of little old New York, you'll find a thoroughfare. It's the part of little old New York that runs into Times Square. A crazy quill that Wall Street Jack built. If you got a little time to spare, I want to take you there. Come and meet those dancing feet on the avenue I'm taking you to.

It's the rhapsody of laughter and tears. Naughty, bawdy, gaudy, sporty, 42nd. Second Street, grand numéro de claquette, actuellement à l'affiche une dernière fois à partir de 15h au Théâtre du Châtelet avec Monique Young dans le rôle titre, rôle principal de cette dernière production, votre dernière production au Châtelet, Jean-Luc Choplin. Ce qui est formidable quand on a écouté la chanson, c'est que vous étiez en train de jouer tous les instruments. Hein. Tous les instruments, j'étais en train de faire les claquettes, je chantais, voilà, c'est une musique du bonheur, c'est une musique de la légèreté, c'est une musique qui vous emporte, ça vous allume une petite lumière dans le cœur, c'est formidable de pouvoir célébrer comme ça à la fois la comédie musicale qui parle de comment on monte un spectacle, d'une comédie musicale qui célèbre New York, qui célèbre le monde du cinéma, en même temps le monde du spectacle. Enfin, c'est tout, 42nd Street, c'est un très beau feu d'artifice. Vous m'avez dit que vous l'avez vu hier soir, combien de fois vous, en tant que directeur d'un théâtre, combien de fois vous l'avez vu, votre spectacle hein? Alors vous le voyez très souvent parce que d'abord vous assistez à quand même un bon nombre de répétitions, en tout cas à des filages, à des répétitions clés où on voit tout un numéro se monter. Écoutez, on en fait en tout 55, je dois être peut-être à mon 15e spectacle. Et vous donnez des notes, vous. Est-ce que c'est sympa d'avoir Jean-Luc Choplin comme directeur quand on s'appelle Gareth Valentine, qu'on est directeur musical de 42nd Street au Châtelet vous... Je l'embête pas trop. Un petit peu quand même, enfin pas trop. Mais enfin je vais lui dire là ce soir, je sais pas pourquoi tu es allé beaucoup plus vite, pourquoi tu es allé plus lentement. Mais j'ai pas beaucoup de reproches à faire parce que j'aime bien aller plutôt les féliciter parce que c'est musique. De 42nd Street est absolument incroyable, exceptionnel. C'est de la très grande musique. Ce compositeur n'est pas assez célébré. On devrait Harry Warren. On devrait aller chercher des musiques de Harry Warren, notamment toute la musique qu'il a écrite pour le cinéma. Ce passage du cinéma muet, d'ailleurs, au cinéma parlant. Et puis. La qualité de ces musiciens, ces multi-instrumentistes, ce pupitre de trompette, de cuivre, ce piano, enfin, je veux dire, cette harpe, ils sont absolument formidables. Quelle implication vous avez dans un spectacle pareil? Là, par exemple, vous n'avez pas fait appel. On choisit tout dans un spectacle comme celui-là. Ouais, donc, vous dites au metteur en scène, Sevenmire, non, ça, je ne veux pas ce décor-là. Alors, comment ça se passe quand on monte une comédie musicale? D'abord, je commence par choisir l'œuvre. C'est pas mal. Ensuite, vous choisissez l'équipe artistique qui va correspondre à l'œuvre. Je voulais pour 42nd Street que ce soit un chorégraphe. Et je voulais aussi, puisque c'était mon dernier spectacle, oser. C'est-à-dire que le chorégraphe, que nous avions d'ailleurs utilisé et choisi pour Singing in the Rain, je voulais que ce chorégraphe soit en même temps le metteur en scène. Car je pensais que c'est une célébration de la danse. En même temps, 42nd Street, c'est au moins 5 grands numéros de claquettes. C'est l'invention chorégraphique. Je lui ai demandé à Stephen Mears, je lui ai dit, je te nomme directeur et chorégraphe, tu vas cumuler les deux fonctions, mais je veux que l'invention chorégraphique soit étourdissante, éblouissante, etc. Que, voilà, c'est la priorité que je donne, c'est la chorégraphie. Ensuite, vous choisissez avec lui le décorateur. On a essayé de trouver quelqu'un qui pouvait, de façon très moderne, traiter 42nd Street de façon presque minimaliste, si j'ose dire, avec ses grands décors rouges, en osant la couleur. Donc on a choisi le rouge pour choisir le théâtre. Alors après, vous choisissez, alors là en l'occurrence, le décorateur pouvait faire les costumes, donc on a pris un décorateur qui était en même temps costumier. Puis ensuite, vous allez auditionner, vous choisissez vos principaux, enfin les solistes, Dorothy, Peggy, vous allez choisir tout le monde. Et puis après, vous faites les auditions des ensembles. Alors, on commence à Paris, on essaye de sélectionner le maximum de Parisiens possible. Ça ne veut pas dire qu'ils sont français d'ailleurs à Paris, mais enfin, en tout cas, les gens qui savent l'art, donc danser, chanter, faire des claquettes. Et ensuite, on a terminé à Londres pour choisir l'ensemble. Donc, vous avez la responsabilité de chaque chose. Et puis ensuite, ben, vous accompagnez la production, le directeur vient vous présenter la maquette du décor avec le décorateur, et là ben voilà, vous faites vos commentaires, vous dites trop grand, trop gros, pas assez bien, pas assez ci, pas assez ça, donc vous faites vos commentaires, et puis et ainsi de suite, pareil pour les maquettes des costumes, et donc vous accompagnez en tant que producteur l'équipe artistique jusqu'au bout. Merci d'être avec nous ce matin, Jean-Luc Choplin, à quelques heures de votre dernière, donc au Châtelet. On remonte le temps dans votre programmation au Châtelet. Jean-Luc Choplin, Léonard Bernstein a occupé une place centrale. On a vu deux fois West Side Story, on a vu Candide, on a vu On the Tone. Mais surtout, vous avez introduit sur la scène française deux compositeurs dont on n'avait jamais vu des œuvres sur scène. L'un, on va en parler tout à l'heure, il s'appelle Stephen Sondheim. Et l'autre est très connu, mais bizarrement, jamais joué en France, Richard Rodgers. Rappelez-vous, c'était Sylvia Schwartz qui incarnait Maria dans La Mélodie du Bonheur. En direct, c'était dans 42e rue sur France Musique. What I've heard before. C'était en direct dans 42e rue sur France Musique en 2009. Sylvia Schwartz, la toute première Maria de la première production de La Mélodie du Bonheur au Théâtre du Châtelet. Ça vous fait quoi de réentendre 7 ans plus tard cet enregistrement? C'est un bonheur incroyable de la qualité de ce timbre, de la qualité de cette voix d'opéra. Car j'ai voulu traiter les comédies musicales de façon noble. J'ai voulu les traiter comme on fait de la haute couture à Paris. Et metteur en scène d'opéra, chanteur aussi d'opéra qui acceptait de faire ce crossover. Et Sylvia Schwartz, voilà, était toute jeune chanteuse. Elle était, je crois, à l'époque dans la troupe de l'Opéra de Berlin, du Staatsoper. Et nous l'avions choisie parce qu'elle était exceptionnelle. Et c'est une émotion forte de retrouver cette mélodie, bien sûr, mais avec ce timbre-là. On peut dire que c'est les tout débuts de Broadway sur scène, cette comédie musicale. Parce que certes, vous aviez fait découvrir ou redécouvrir Candide de Bernstein, mais c'est avec La Mélodie du Bonheur que vous montez en anglais, The Sound of Music, que tout d'un coup, vous commencez à vous faire un nom. Pourquoi commencer avec cette œuvre? Et alors, vous parliez de tout à l'heure de comment construire 42nd Street. Comment vous l'aviez imaginé? J'ai commencé par le Candide, parce que je voulais... Puisqu'on m'avait dit que la comédie musicale ne marcherait pas à Paris, je voulais dire comment, avec quelqu'un comme Bernstein, qui est un grand musicien classique aussi, enfin, je veux dire, qui a su travailler pour Broadway, Candide, inspiré quand même de Voltaire, donc du Enlightenment, des Lumières françaises, comment le public ne pourrait pas ne pas aimer. Et puis en plus, une œuvre quand même relativement facile d'accès musicalement. Donc, j'ai commencé par... Après, j'ai voulu, avec On the Town, là, je mariais Bernstein et puis Robbins. Jérôme Robbins. Pour la chorégraphie. Donc, j'y allais prudemment. Mais à un moment donné, il fallait oser franchir le Rubicon. Il fallait oser aller au-delà et rentrer dans le vif de la tradition de la comédie musicale. Et donc, Rodgers... Et Hammerstein, Rodgers, on le connaît effectivement. On connaît presque plus Hammerstein, finalement. Oscar Hammerstein, le librettiste, voilà, et le parolier. Voilà. Et puis après, okay, c'est aussi relié avec la succession, on en parlera avec Stephen Sondheim. Etc. Mais je voulais rentrer dans le vif du sujet et La Mélodie du Bonheur m'est apparue comme l'œuvre que le public connaît le plus, car toutes les familles que je rencontrais, tous les enfants avec qui je parlais, les amis de mes filles, tout le monde regardait en boucle La Mélodie du Bonheur, le superbe film qui avait suivi. C'est-à-dire qu'on avait eu d'abord la création de l'œuvre scénique et ensuite le film avec Julie Andrews. Donc, je me suis dit, voilà, on va faire un grand spectacle familial pour les fêtes et en même temps rentrer dans le vif et on va voir si cette comédie musicale, ce grand classique de la comédie musicale, trouve public ou pas. Et il l'a plus que trouvé. Alors, des comédies musicales de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein, vous allez en présenter 3 au Théâtre du Châtelet durant ces 10 ou 12 années. Je ne sais jamais comment compter parce que vous êtes nommé en 11 saisons. Voilà, vous êtes nommé en 2004, mais votre première saison est en 2006. C'est un peu à cheval, donc c'est 11 saisons en tout. Alors, on va découvrir Carousel, qui est monté en partenariat avec Opéra North en Angleterre. Et puis, vous allez également produire une très très belle production, je dois dire, du Roi et moi. Cette comédie musicale qui tourne actuellement, qui a été à l'affiche il n'y a pas longtemps du prestigieux Lyric Theater à Chicago, dans une mise en scène très colorée de Lee Blakely. Et vous avez choisi d'entendre ce matin Shall We Dance par Susan Graham et Lambert Wilson. Pourquoi? Bien, Susan Graham, c'est encore une fois une très grande chanteuse d'opéra qui a accepté pour la première fois et la dernière fois de sa vie de faire une... Pourquoi la dernière fois? Elle m'a dit c'est trop difficile. Ah bon, c'est trop difficile, il faut chanter, il faut danser, il faut jouer la comédie, c'est bien plus difficile que l'opéra. Donc c'était absolument merveilleux que cette grande dame du lyrique accepte de faire cette comédie musicale. Mm-hmm. Voilà. Et puis notre Lambert Wilson, national et international bien sûr, mais qui a tellement été un partenaire fidèle du Théâtre du Châtelet, un passionné de comédie musicale, voilà, que j'ai eu à plusieurs reprises sur notre scène. Voilà, je voulais choisir un hommage à Susan Graham, mais aussi à Lambert. Qu'on entend avec l'orchestre Padeloup dirigé par James Holmes. We've just been introduced. I do not know you well. But when the music started, something drew me to your side. So many men and girls are in each other's arms. It made me think we might be similarly occupied. Shall Shall we then say good night and mean goodbye? Oh, perchance, when the last little star has left the sky, shall we still be together with our arms around each other? And shall you be my new romance? On the clear understanding that this kind of thing can happen, shall we dance? Shall we dance? Shall we dance? Pretty. Go on, go on. Oh, I didn't realize I was. After all, in my country, a girl would not dance while a man was looking on. Ah, but she will dance with strangers holding hands, etc., etc. Not always a stranger. Sometimes a very good friend. Good. We dance together. You show me. You teach. Well, it's very simple, the polka. It goes 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, and 1. Shall we dance? 1, 2, 3, and. On a bright cloud of music, shall we fly? 1, 2, 3, and. Shall we dance? 1, 2, 3, and. Shall we then say good night and mean goodbye? 1, 2, 3, and. Oh, perchance, when the last little star has left the sky, shall we still be together with our arms around each other? And shall you be my new romance? On the clear understanding that this kind of thing can happen, shall we dance? And 1, 2, 3, and 1, 2, 3, and 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. What's wrong? Oh, I know. I forget. And this time I remember. 1, 2, 3, and 1, 2, 3, and 1, 2, 3. Splendid, Your Majesty! Splendid! Hey, 1, 2. Ah! You throw me off count! 1, 3, 1, 2. No, no. It was not like this. Yes, you were doing. Not like this, not the way I see Europeans dancing tonight. Yes, it was just like that. No. We're not holding hands like this. Oh, no. As a matter of fact. Like this. No? Yes. Come. Suzanne Graham et Lambert Wilson en 2014 au Théâtre du Châtelet dans cette production du Roi et moi, The King and I, avec James Holmes à la tête de l'Orchestre Padeloup. Laurent Vallière, 42e rue, France Musique. Jean-Luc Choplin, l'auteur-compositeur de comédies musicales que vous allez surtout faire connaître au public français, s'appelle Stephen Sondheim, vraiment inconnu en France jusqu'à votre travail, sauf de quelques initiés comme le cinéaste Alain Resnais par exemple. Vous allez faire découvrir au public français 5 œuvres de Sondheim, A Little Night Music, d'après le film Sourire d'une nuit d'été d'Ingmar Bergman, Sweeney Todd, le barbier de Fleet Street dont on connaissait le film de Tim Burton, Sunday in the Park with George, autour de la vie du peintre français Georges Seurat, Into the Woods, autour de personnages célèbres de contes, et puis Passion, d'après le film Passion d'amour d'Ettore Scola. Est-ce que dès le départ, vous avez conçu ça comme un cycle, Jean-Luc Choplin ? Dès que j'ai pensé, je voulais d'abord que le public parisiens soient en accord et répondent à la comédie musicale, bien que là, on parle plutôt de théâtre musical que de comédie musicale au sens... Oui, vous ne le comptez pas, hein, dans vos 24 comédies musicales, vous mettez un si, petit je peu le mets dans les, je le mets dans les 24, mais je dis que c'est plutôt du théâtre musical, parce que quand vous traitez de Sunday in the Park with George, donc la vie du peintre sera, même si c'est rempli d'humour et de scènes de comédie, on est plutôt dans le théâtre pur. Dès que j'ai senti que le public... était bordé, enfin, il répondait à la comédie musicale. Je dis, il était indispensable de faire connaître un des plus grands compositeurs d'aujourd'hui. Tout court, je ne le mets même pas dans une catégorie. Enfin, il se trouve qu'il a fait pas mal de travail autour de la comédie musicale. Mais si je le faisais connaître, c'était pas pour faire simplement une œuvre et puis ne plus l'entendre, mais le faire aimer, le faire apprécier. Et donc, il m'a complètement accompagné dans ce travail. Chaque année, je suis allé discuter avec lui en disant, voilà, la prochaine, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et alors, évidemment, il a toujours suivi mes désirs. Il me donnait même des conseils sur ce que je devais faire en dehors de ses œuvres. Ah oui. Donc, il me disait, ah non, non, faites pas ça, le livret est mauvais. Ça, oui, oui, non, mais ça, c'est une bonne idée. Mais, par exemple, sur Kiss Me Kate, il n'était pas d'accord. Enfin, il me disait... De Cole Porter. Il me disait, musique magnifique, mais livret un peu trop compliqué. Ouais. Voilà, donc on avait une conversation. Non, j'ai voulu le faire connaître. Je pense que j'ai donné un grand panorama. Il y a des œuvres que je n'ai pas faites. Alors, vous en avez produit 5. C'est, bon, c'est idiot comme question, et en même temps, si. Quelle est celle qui vous marque le plus des 5 production de Stephen Sondheim que vous avez proposé au public français au Châtelet? J'arrive pas à en choisir une seule, si vous voulez. Il y a un peu deux côtés. Je pense que il y a Sweeney Todd, qui est un opéra, qui est un grand opéra, qui a une force, qui a une puissance, qui va dans tous les sens. D'ailleurs, je l'ai fait interpréter par deux grands barytons, Rodney Gilfrey et puis Franco Pomponi, avec une Mrs. Lovett absolument extraordinaire. Et puis, bien sûr, Passion, qui est un autre, quelque part, d'un autre opéra. D'ailleurs, j'ai dit à Stephen Sondheim, quand on s'est levé juste après la répétition générale à laquelle il assistait au Châtelet de Passion, je lui dis, vous qui n'aimiez pas l'opéra quand même, hein, vous en avez fait quelques-uns. France Musique, on peut le dire, vous a suivi tout au long de votre parcours au Châtelet. Nous avons diffusé en intégralité ces 5 comédies musicales de Stephen Sondheim. Et nous étions là pour Nathalie Dessay dans le rôle titre de Passion. Elle incarne Fosca et c'est donc inspiré de ce film d'Ettore Scola, Passion d'amour. C'est Tandy Einhorn qui dirige l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Loving you is not a choice, it's who I am. Loving you is not a choice and not much reason to rejoice, but it gives me purpose, gives me voice to say to the world, this is why I live. You are why I live. Loving you is why I do the things I do. What kind of love is that? The truest love. Would Clara give her life for yours? Would she, Giorgio? Nathalie Dessay, Loving You. C'était au Théâtre du Châtelet bien l'année dernière, on peut dire ça. Cette production très sobre de Passion, la comédie musicale de Stephen Sondheim. C'est intéressant cette production parce que ça n'a rien d'une comédie musicale, il n'y a pas de danse, c'est presque une longue mélopée. Et moi, je l'avais vu à Londres dans une toute petite salle et je me demandais comment vous pouviez remplir l'énorme scène du Châtelet avec juste ces quelques personnages. En fait, c'est l'exemple type de la production Chopin où vous avez fait appel, vous mélangez tous les arts. C'est-à-dire que vous avez fait appel à un plasticien. Guillaume Durieux, jeune plasticien qui n'avait jamais encore fait une œuvre théâtrale ou lyrique. Pour les décors, qui sont des toiles, en fait, des grandes toiles. Des grandes toiles noires. Et blanches. Puis, une mise en scène très épurée. De Fanny Ardant. De Fanny Ardant. Alors, c'est une amusante discussion avec Stephen Sondheim, parce que je lui avais dit à plusieurs reprises que je ne ferai jamais Passion. Bon, il me laissait le dire, parce qu'on parlait d'autre chose, on parlait d'autres projets plus immédiats. Donc, et puis un jour, lorsque j'avais fini, je crois que c'était Into the Woods, et que je le retrouvais à New York, chez lui, je lui dis, bon, ben voilà, je sais plus maintenant qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je devrais faire de vous. Et il me dit, ben, faites Passion. Donc, il savait très bien que je lui avais dit non, déjà, à plusieurs reprises. Et pourquoi vous dites je lui dis, je lui ai dit, c'est une forme de musique de chambre. Je lui ai dit, c'est trop petit pour le Châtelet. Et il me regarde et me dit, vous ne feriez pas Péléas et Mélisande sur votre plateau? Alors, je lui dis, ben, bien sûr que si. Il me dit « Alors ?» Je lui dis « Eh bien alors, on va faire Passion !» Alors, une autre œuvre de Stephen Sondheim que vous appréciez, dont vous nous avez parlé tout à l'heure, c'est Sweeney Todd, comédie musicale grand guignol, sanglante, popularisée donc par le film de Tim Burton avec Johnny Depp. Tout le monde est enthousiaste sur le décor industriel de Londres reconstitué sur scène. On parlait de casting tout à l'heure. Des fois, quand même, Jean-Luc Chopin, on peut le dire maintenant, c'est terminé, mais des fois, vous annoncez des stars, et puis trois semaines auparavant, c'est une autre qui entre sur scène. Comment elle a fait Caroline O'Connor pour entrer dans le rôle de Miss Lovett, alors que c'est quelqu'un d'autre qui était prévu? Oui, alors c'est fait partie des décision qu'un directeur doit prendre à un moment donné. La personne que nous avions choisie était vraiment en difficulté pour assumer ce rôle chanté-parlé, très difficile, et n'arrivait pas. Comme quoi, parfois, on avait choisi là une personnalité lyrique pour faire le rôle, et elle n'arrivait pas à faire en même temps la comédie, la théâtralité, en même temps la voix très exigeante, parce que c'est vrai que dans l'opéra, parfois, les chanteurs, ils viennent devant, et puis, voilà, ils chantent leur air, et puis ils s'en vont, puis il y a le chœur qui reprend, ou le ballet qui intervient. Tandis que là, vous êtes vraiment dans une comédie qui demande un rôle permanent. Ce rôle de Mrs. Lovett est absolument impressionnant, de théâtre et d'action. Il faut faire les tourtes à la viande, là, en même temps que vous chantez. À la viande humaine. Avec les pâtés humains. Donc c'est très difficile. Eh bien voilà, à un moment donné, j'ai constaté que dans les répétitions, le metteur en scène est venu me trouver en disant « Jean-Luc, on n'y arrive pas ». Je suis venu assister à une ou deux répétitions et j'ai vu qu'effectivement, donc on a cherché qui pouvait. Et en Australie, nous avions Caroline O'Connor qui était disponible et qui était tout à fait parfaite, que plusieurs personnes connaissaient, que je ne connaissais pas. Et donc j'ai vite regardé, on trouve toujours maintenant aujourd'hui les documents. Vous écoutez sur YouTube comme nous tous? Voilà, voilà, comme tout le monde. Donc, ouais. Et on l'a fait venir d'Australie et puis elle a été éblouissante. it did. Never thought I'd live to see the day. Men would think it was a treat finding poor animals. What are dying in the street? Mrs. Mooney has a pie shop. Does a business, but I've noticed something weird. Lately, all the neighbours' cats have disappeared. Have to hand it to her. What a cause, enterprise. Popping pussies into pies. Doing my shop. Just the thought of it's enough to make you sick. And I'm telling you, them pussy cats is quick. No denying times is hard, sir. Even harder than the worst pies in London. Only lard and nothing more. Is that just revolting or greasy and gritty? It looks like it's molting and tastes like, well, pity. Caroline O'Connor dans Sweeney Todd, la comédie musicale de Stephen Sondheim présentée au Théâtre du Châtelet. C'était David Charles Abel qui dirigeait l'ensemble orchestral de Paris. 42e rue sur France Musique, Laurent Vallière. Jean-Luc Choplin, il y a d'autres comédies musicales de Stephen Sondheim qu'il faudrait que le public français découvre. Et lesquelles ? Non, mais j'avais envie aussi de faire Something Happened on the Way to the Forum ou Follies. Donc, Gypsy, où il a écrit essentiellement les livrets. Donc, non, j'aurais pu continuer. Je lui ai même proposé de lui dire, écoutez, la prochaine, c'est au Châtelet, hein, en priorité. Voilà. La prochaine création. Oui, malheureusement. Bon, voilà, on verra. On revient avec vous sur vos années Châtelet. Vous qui êtes le directeur du Théâtre du Châtelet encore aujourd'hui, puisqu'à 15h, ça sera... J'assume. Je suis encore la dernière de 42nd Street. Vous avez fait découvrir Stephen Sondheim, vous avez fait découvrir en partie Richard Rodgers. Et puis, une de vos pattes, c'était aussi de donner la main, de demander à des metteurs en scène d'opéra de mettre en scène des comédies musicales. Par exemple, Robert Carson, qui a réalisé la mise en scène de My Fair Lady, et de Singing in the Rain. On a besoin de faire appel à des gens si connus, si respectés du public français ou de la critique française, pour pouvoir être sûr qu'on va pas se prendre des volets de bois vert dans le public. Ah, ça n'a pas été du tout les raisons de mon choix. Robert Carson, d'abord, j'avais déjà travaillé avec lui dans le passé, donc je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un metteur en scène de grand talent qui a des idées très claires sur ce qu'il faut faire. C'est un anglo-saxon, il est canadien, donc il connaît aussi très bien l'univers de la comédie musicale. Il est passionné de comédie musicale, il considère que c'est une des choses les plus difficiles à faire que l'opéra et plus intéressante à faire que l'opéra. Simplement, on lui en propose pas énormément, donc j'ai été un des premiers à lui en proposer. Je ne choisis pas quelqu'un parce qu'il est connu, je choisis quelqu'un parce qu'il est amoureux. Quand je lui dis, par exemple, est-ce que tu voudrais faire My Fair Lady, il m'a dit, écoute, je peux te chanter de A à Z My Fair Lady, là, maintenant, si tu veux, j'en connais les paroles par cœur. Donc voilà, je choisis des gens passionnés, des gens de talent, des gens compétents, des gens qui aiment la comédie musicale. Et à Paris, celui qui reprenait le rôle dans Singing in the Rain de Gene Kelly, c'était Dan Burton. Il était venu sur la 42e rue de France Musique pour un cabaret en acoustique. Le voici accompagné au piano par Gareth Valentine. Just singing in the rain. What a glorious feeling. I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dance in the rain, ya-da-da, da-da-da-da. I'm happy again. Dan Burton en concert acoustique sur 42e rue de France Musique. Jean-Luc Choplin, directeur du Châtelet, vous quittez vos fonctions de directeur du Châtelet, mais on sait que vous avez veillé à votre succession. C'est écrit dans Le Monde, hein, dans l'article. Je sais que vous avez rencontré tous les candidats. Et on sait que c'est la Britannique Ruth McKenzie, associée à Thomas Loriot dit Prévost, qui, comme l'annonçait d'ailleurs dès décembre Antoine Péker sur France Musique, vous succède. Quelle place pour la comédie musicale dans son projet ? Ah ben vous lui demanderez, mon cher Laurent, moi je ne fais aucun commentaire sur ma succession, je veux dire parce que je pense qu'il faut que tout le monde trouve son espace, je pense que je suis content de laisser un Châtelet de création, un Châtelet de production, je suis content de laisser un Châtelet en bonne santé, un Châtelet qui va être rénové, un Châtelet pour lequel j'ai trouvé l'argent de refaire la salle dans son jus de Napoléon III, donc je suis très heureux d'avoir des successeurs, je suis très heureux que voilà, c'est enfin en place et ils vont inventer leur Châtelet, ils vont inventer leur modèle, ils vont inventer ce qu'ils vont faire. Ma question c'est peut-être, quand vous êtes arrivé au Châtelet, c'était intéressant, vous avez dit je veux retrouver l'ADN du Châtelet, je veux retrouver Francis Lopez, je fais le chanteur de Mexico. Est-ce qu'à votre avis, l'ADN que vous laissez là, avec beaucoup de comédies musicales, Broadway sur scène, est-ce que la comédie musicale fait aujourd'hui partie de l'ADN du Châtelet ou est-ce que ça peut être complètement autre chose dans deux ans quand le théâtre réouvre ? Alors, je vais vous dire, je pense que la formule que j'ai trouvée qui était tout simplement de refaire le Châtelet, un Châtelet évidemment différent de celui du début du siècle qui avait aussi bien Diaghilev et le Tour du Monde en 80 jours ou Michel Strogoff, si vous voulez, mais c'est quand même une formule qui marche entre un Châtelet qui fait des choses de création sophistiquée, parfois artistiquement très très moderne, et un Châtelet qui sait faire du grand spectacle. Parce que l'un va avec l'autre. Lorsque le Châtelet faisait une création et que cette création ne marchait pas, le Châtelet, le lendemain, sortait Michel Strogoff ou le Tour du Monde pour remplir les caisses. Donc, je crois que moi, je laisse un répertoire considérable de comédies musicales disponibles pour le Châtelet. Donc, il pourra y avoir sûrement toute une série d'aventures. Si elles marchent, tant mieux. Si elles marchent moins bien, bah, c'est la loi du genre de la création. Et du coup, on pourra ressortir tout le grand répertoire des comédies musicales qui ont tellement marché et qui attirent un très large public et qui occasionnellement remplissent les caisses. Et qu'en est-il pour vous ? Alors quelle place vous allez diriger ? Donc vous allez devenir président du comité de programmation et de direction artistique de STS Événements. C'est la scène musicale, en gros, là, cette nouvelle salle construite sur l'île Seguin à Boulogne, à l'ouest de Paris, qui va ouvrir en avril. Vous devenez présidente du comité de programmation. Quelle sera la place de la comédie musicale ? Alors, je vais essayer de faire de la comédie musicale. D'ailleurs, on commence à l'automne, on fera West Side Story, puisque je pense que je l'aurais refait au Châtelet si le Châtelet avait été ouvert. Tous les 5 ans, je fais un West Side Story. Donc, on va faire West Side Story, donc pour commencer. Mais je vais essayer d'inviter des comédies musicales du monde entier. Je voudrais une grande comédie musicale bollywoodienne, je voudrais une comédie musicale sud-africaine, je voudrais une comédie musicale sur le thème du football sud-américaine. Voilà, je veux faire la place à du grand spectacle musical venant de tous les continents, et puis à l'occasion aussi de New York. Mais voilà, j'aimerais sortir aussi un petit peu du cadre. Je vais avoir 2 grandes salles, hein, je veux dire, enfin, 1 grande salle de 4000 à 6000 places donc à la scène musicale pour développer des grands spectacles originaux et en même temps un auditorium de 1000 places. Et il y a 2 grandes salles donc sur la scène musicale à Lisseguin. Donc voilà. Vous avez toujours un projet avec un tour de table d'acheter une petite salle de théâtre à Londres pour expérimenter des nouvelles formes de théâtre musical ? C'est un de mes rêves, un de mes petits jardins secrets. J'espère que j'arriverai à trouver une petite salle à Londres, à New York, en tout cas dans une de ces deux villes pour voilà, pouvoir développer des petits formats, faire des expériences, prendre des grandes œuvres qu'on ne peut pas faire nécessairement parce qu'on n'a pas l'orchestre, qu'on n'a pas les moyens, et de pouvoir, par des ateliers, essayer de développer des petites formes, des petits bijoux. Production au Théâtre du Châtelet durant 11 saisons. C'était une coproduction avec Broadway, l'adaptation sur scène d'un Américain à Paris, créé au Châtelet le 22 novembre 2014, à l'affiche à Broadway en 2015 et 2016, et à l'affiche à Londres au Dominion Theatre à partir du 4 mars. Un Américain à Paris avec un grand numéro plein de paillettes, une chanson créée dans le film par Georges Guettari et interprétée à Paris et à Broadway par Max von Essen. I'll build a stairway to paradise with a new step every day. I'm going to get there at any price. Stand aside, I'm on my way. I've got the blues and up above it's so fair. Shoes, go on and carry me there. I built a stairway to paradise with a new step every day. Show both your little regals how to do the heel and toe. That's the heel and toe. Heel and toe. On Wednesday, walk around the block, and at every corner, stop and do the Eagle Rock. That's the Eagle Rock. Eagle Rock. On Thursday, whistle as you go on a journey off to Buffalo. On Friday, take a little stroll and do the Oceana Roll. On Saturday, then you let her go when you do the toe the low. On the Sunday, I will guarantee that you can do the shivery. Shivery. Shivery. Shivery. All together now. Toe the mark. Heel and toe. Eagle Rock off to Buffalo. Oceana Roll. Dire à vos cassettes rétrospectivement parce que c'est en version de Stairway to Paradise. Elle n'est pas sur l'album An American in Paris qui est sorti chez Sony Music. C'est un enregistrement de France Musique, un enregistrement exclusif et inédit de la production An American à Paris lorsque cette production était au Théâtre du Châtelet. Je suis content avec An American à Paris d'avoir fait la création d'un grand classique. C'est rare. Et là, pour le coup, ça continue à vivre. Qui continue, Londres, et puis je crois qu'il y a des gros projets aussi en Asie, à Tokyo, donc c'est une vie qui va continuer. Un Américain à Paris, c'est une vie à peu près entre 7 et 10 ans, une aventure comme celle-là. Une vraie comédie musicale. Une vraie comédie musicale. Vous avez un pincement au cœur, là, la dernière, c'est dans 2 heures. Oui, il y a beaucoup d'émotions. En même temps, je vais essayer d'être très serein, de bien cacher tout ça. On a dans une culture occidentale, on n'a pas le droit de pleurer. Donc je vais essayer de pas pleurer. En tout cas, merci beaucoup, Jean-Luc Chopin. Merci d'être venu pour... Merci à vous, Laurent. Merci de votre soutien tout au long de ces années. Et puis, voyez, 42e rue pour finir. Quel hommage. Voilà. Vous pouvez podcaster cette émission, la réécouter en ligne, direction francemusique.fr. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et sur Twitter. La semaine prochaine, la vie continue, cabaret. 42e rue, en live avec la troupe belge de la comédie musicale Un violon sur le toit, actuellement en tournée en France. D'ailleurs, ils seront tout à l'heure, à la même heure, à l'Opéra de Massy, en région parisienne. Attention, l'émission est exceptionnellement enregistrée. Vous étiez sur la 42e rue de France Musique, proposée par Laurent Vallière, préparée avec Martine Moni, avec à la technique ce matin, Jason Taous, et à la réalisation, Perrine Mingui. Rideau! Bon dimanche, il est midi, vous écoutez France Musique, et bonne année Stéphane Grant.